trois Alice m'avaient toujours intimidé. Oh, mademoiselle Lise, mais ce soir, je suis décidé. On va danser, on va danser. Regardez pas mes vieux habits, l'habit fait pas le moine. On pourrait devenir amis, et pourquoi pas. C'est vrai, vous êtes bien jolie, je suis pas formidable, mais il fait chaud et il fait nuit, et là, là, là. Oh, mademoiselle Lise, vous prendrez bien un peu de mousse. Oh, mademoiselle Lise, ça pique et ça rend amoureux. On va danser, on va danser. Hey. Jamais vos souliers de soie s'écorchent à mes godasses. Xavier Camet, des sabots de bois, et pourquoi pas. La vraie démocratie, c'est ça, faut avoir de l'audace. Y'a plus de valets, y'a plus de bourgeois, et là, là, là. Oh, mademoiselle, vous pouvez avoir confiance en moi. Oh, mademoiselle, moi quand je danse, je ne pense qu'à ça. On va danser, on va danser. Si votre papa, si votre maman nous surprenaient ensemble, sûr qu'ils seraient pas content. Savez pourquoi? C'est que quand il y a de beaux jeunes gens qui s'amusent ensemble, c'est pas que pour l'amicalement, c'est là, là, là. Vas-y, si je ne me retenais pas. Oh, mademoiselle Lise, si ce que je vous montre un nouveau pas. On va danser. C'est chic de m'avoir invité à votre mariage. J'en aurais drôlement profité. Savez pourquoi? C'est que c'est moi le petit futé qu'a tiré sous la table votre jarretière de la mariée. La la la. Oh, oh. Mademoiselle Lise, allez bonsoir et bonne nuit. Oh, mademoiselle Lise, mes compliments à votre mari. Ça va danser, ça va danser.